Les questions et les inquiétudes sont encore nombreuses à Malartic concernant le projet de mine à ciel ouvert de l'entreprise Osisko Exploration. Je pense que c'est d'avoir une conscience sociale, que de se poser des questions, de vouloir aller plus loin, de ne pas attendre après que monsieur ou madame Osisko nous donne des réponses. On est 200 citoyens qui vont se faire déménager. Chacun se négocie avec Osisko. J'ai même pas une municipalité qui négocie pour moi. Une trentaine de maisons ont jusqu'à maintenant été relocalisées dans le nouveau quartier. D'autres ont été vendues à l'entreprise. Certains citoyens ne sont pas rassurés. Ils dénoncent le manque d'appui et de leadership du conseil municipal. Je me rends compte que depuis que j'ai vendu, je fouille dans mes poches. Des frais. J'ai le feeling d'avoir signé un chèque en blanc. Le maire a aussi été mis sur la sellette concernant sa récente volte-face lorsqu'il est revenu sur sa décision de démissionner. Un sujet qui a irrité Fernand Carpentier. Les gens de Malartic veulent savoir la raison qui fait que vous êtes revenu comme maire à la ville de Malartic et quelles sont vos intentions. Je n'ai pas la réponse à votre question. Ben, vous oubliez que c'est nous qui vous avons élu, monsieur le maire. Oui, madame, vous m'avez élu. Oui. Mais je n'ai pas à répondre à votre question. Les citoyens ne veulent pas déclarer la guerre au conseil municipal. Ils demandent à leurs élus de s'impliquer davantage en leur faveur. La puissance, le pouvoir, c'est vous que vous l'avez. C'est pas nous autres. On est des citoyens, on n'est pas des avocats. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic.